Mingi Yeah. un acrobat malin, et les stars manières vous présentent la danse. Macabre, Luca, Luca en grève, Luca, Luca en grève, Luca, Luca en grève, Luca. Mukene, mukene, mukene, mukene, mukene, mukene, mukene, mukene, mukene, mukene, mukene, mukene, mukene, mukene, mukene, mukene, Salado poco, no te me suba muy alto, anda mi lindo banda.